cher public, la sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bienvenue, cher public, à une toute nouvelle édition de l'émission Fantastico-Trotskiste sur les ondes de C'est fou 89.1 en compagnie du printanier Lucas Hubert. Bonjour. Et de moi-même, Sébastien Gertin. Aujourd'hui, à l'émission, on fait un retour sur la taxe robot. On vous donne des conseils pour le G7 et on parle de la série The Witcher dans un politique fiction. Mais avant, comment s'est passée ta semaine, Lucas? Ah, ma semaine, ça l'a bien été. J'ai fait beaucoup de lectures, puis je me suis dit que j'allais vous embêter avec ça, que j'allais vous en parler. Pour commencer, j'ai trouvé un très bon article. Puis, écoute, j'ai presque honte de le dire, là, mais en même temps, c'est des félicitations que je leur lance. Là. J'ai trouvé un très bon article de vulgarisation scientifique dans le sac de chips du Journal de Montréal. Ouais, c'était comme... Ça existe encore, ça? Yep, ben oui. Eh ben. Un article sur une étude qui a été menée, qui a été publiée dans The Journal of Psychology, sur, en fait, le stress et Facebook, bon, ces questions-là. En réalité, je suis allé lire l'étude après, hein, parce que j'y croyais pas à quel point l'article était bon. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux groupes tests. Ils ont demandé à un des groupes, c'est un groupe d'à peu près une soixantaine de personnes, si je me souviens bien. Ils ont demandé à un groupe de pas utiliser, de fermer leur compte Facebook pour une semaine. Puis, ils ont analysé ensuite, pendant une semaine, le niveau de cortisol des gens. Ce qui est habituellement... ça reflète le niveau de stress des gens, le niveau de cortisol. Bon. Ce qu'ils ont réalisé, c'est que le niveau de stress des gens qui fermaient leur compte Facebook a diminué. Quand même, de beaucoup. Par contre, c'est le niveau de bonheur subjectif de ces gens-là qui a aussi diminué. Donc, en réalité, bon, c'est sûr, l'étude s'est faite sur une semaine, là. Faudrait voir sur plus long terme, ça leur aurait donné quoi. Donc, mais en réalité, les conclusions de l'étude, c'est que quand tu te débranches de ton Facebook, t'es moins stressé, mais en même temps, tu te sens moins heureux parce que t'as tellement l'impression d'être déconnecté de tes amis, que tu rates quelque chose, que tout le monde a comme du fun dans ton dos sans toi sur Facebook, sur les médias sociaux, etc. Je trouvais que c'était intéressant. Effectivement. C'était un peu comme... En fait, c'est drôle parce que la dernière fois que j'ai vécu un peu ça, c'était quand j'étais au cégep et que Facebook était une nouvelle patente et que dans le temps, il était un peu réactionnaire, je voulais pas embarquer dessus. Puis que là, je manquais des parties avec des amis parce que ben là, on avait fait un événement Facebook. Ouais, mais je suis pas dessus. Ouais, mais là, fais-toi-en un, sinon t'auras pas d'amis. OK, c'est correct. On va faire un... Ouais. Fait que bon, je me disais que la petite vague de gens qui fermaient leur compte Facebook, ça pourrait être intéressant. Il pourrait y avoir des bonnes études. Là, s'il y a des gens qui veulent étudier ces données-là de manière éthique, ils pourront étudier ça prochainement. D'ailleurs, c'est drôle parce que en fait, une chose aussi, c'est que on parle peut-être de gens de notre âge, mettons, que le principal réseau social qu'on utilise, c'est Facebook. Mais moi, je regarde, mettons, mes collègues à job qui sont plus jeunes. Puis, il pourrait en fait se passer de Facebook parce que tout se passe à cette heure. Il y a Snapchat, entre autres, qui est comme rendu quasiment plus important là, pour dans certaines tranches d'âge. Là. Mm-hmm. Puis, d'autres réseaux que je connais probablement même pas. Tu sais, c'est ça, j'ai des cheveux gris. Mais... Ah oui, effectivement. Bref, les jeunes vont vers d'autres choses. Hein. Ma soeur, hein, elle a 15 ans, là. Puis je l'ai vu au souper de Pâques, puis j'ai montré des mimes. Puis elle a comme fait une grimace avec un genre de « Ah ouais, les gens de votre âge, vous aimez les mimes. » Là, j'étais comme « Ah, mon Dieu, on vieillit. » J'étais comme « Dans ma tête, c'est encore l'affaire cool les jeunes, hein, des mimes. Mm. » Mais non. Mais bon, hein, parlant de fermer son Facebook, on n'en avait pas eu le temps d'en discuter la semaine dernière, mais ça l'avait fait un peu parler, Québec solidaire, qui avait déposé un projet de loi, bon, qui a bien sûr été refusé, par rapport au droit à la déconnexion. C'est quoi le droit à la déconnexion? Ben, c'est quelque chose qui est déjà implanté en France. C'est en fait le fait de protéger qu'un employé ne pourrait pas être se faire chicaner, se faire blâmer par son patron parce qu'il n'a pas répondu au téléphone en dehors de ses heures de travail ou répondu à un courriel ou un texte, etc., etc. Ce qui est arrivé avec ça en France, c'est que, bon, en fait, les gens le demandaient, ça a été mis en place. Puis bon, ce qu'ils font maintenant, c'est que, dans le fond, si tu as besoin pour ton emploi d'être disponible sur ton téléphone, ben, de un, ton emploi doit te payer le téléphone en question. Et en plus, tu dois avoir une certaine forme de rémunération entourant le fait qu'il faut quand même que tu sois disponible pour répondre au téléphone, un peu comme certains services d'urgence fonctionnent. Tu as un genre de bonus à la, au fait d'être sur appel, dans le fond. Mm-hmm. Oui. Mais bon, malheureusement, ça n'a même pas vraiment été débattu. Hein? La ministre du Travail, je crois que c'est Mme Vallée, si je ne me trompe pas, qui a répondu que elle a rencontré des centaines et des centaines d'employés et d'employeurs, puis que jamais personne ne lui a parlé de ça, que personne trouve que c'est un problème, le fait de devoir constamment être prêt à répondre au téléphone pour si la job nous appelle. Donc, c'est un refus d'en parler de ce côté-là, mais ça va être à suivre parce que je pense que, ça va créer des problèmes éventuellement. On parle encore de niveau de stress, là, le fait de ne pas pouvoir se déconnecter, de se dire « Hey, je pars un fin de semaine en vacances, j'aimerais bien ne pas répondre aux courriels. » Bon, il y a beaucoup d'emplois pour qui c'est difficile. Et finalement, une autre lecture que j'ai faite, c'est Steven Pinker, qui est un chercheur en psychologie à l'Université d'Harvard, qui a écrit un article dans lequel il fait une charge contre les éthiciens qui ralentissent le progrès. Ouais. Ah oui, hein, je savais que tu allais faire une face comme ça. Bon, en gros, son argumentaire, puis je vais quand même... C'était un grand souper ce que j'ai fait l'an passé. Je vais quand même avoir le temps de dire son argumentaire, juste pour le plaisir de pouvoir le démonter après. Hein, moi-même, je suis un éthicien, fait que c'est venu toucher à ma corde sensible. Bon, en fait, il dit que si vraiment les éthiciens avaient des considérations morales, la seule chose qu'ils feraient dans le domaine de la médecine, c'est qu'ils donneraient leur démission. Parce que si vraiment il y avait des considérations morales, ils arrêteraient de ralentir les recherches, puis que finalement, ils sauveraient plus de vies puis amélioreraient plus la qualité de vie des gens en ne mettant pas des bâtons dans les roues des gentils chercheurs qui veulent améliorer. Mais là, c'est drôle parce qu'en fait, il sort un argument des utilitaristes qu'on pourrait appeler archaïques, donc de l'utilitarisme poussé à son niveau le plus primordial, on pourrait dire, qui a été maintes et maintes fois réfuté extrêmement facilement. Là. Entre autres, ça amène à des idées absurdes, un médecin devrait pouvoir tuer quelqu'un pour aller chercher ses organes, tant qu'à ça, parce que, mettons, une personne vivante toute seule, c'est une personne vivante, alors que si on tue quelqu'un au hasard sur la rue, puis qu'on prend ses organes pour les donner à des gens, ça fait... 8 personnes qui vivent mieux à cause de ça, fait qu'il faudrait tout le temps faire ça. D'ailleurs, quand on manque d'organes, quand il y a des pénuries d'organes, on prend du monde au hasard. Puis... D'ailleurs, il y avait un sketch des Monty Python qui était exactement ça, hein, quelqu'un qui signait sa carte d'organes, puis que les gens venaient le prendre, puis lui enlevaient ses organes, puis ils disaient « Hey, mais pas de suite à ma mort! Non, tu vas sauver plus de vie comme ça, à ta mort, on va peut-être pas pouvoir les récupérer, tes organes. » Puis bon, ce qui m'énerve aussi là-dedans, c'est qu'il y a une espèce de vieux fond d'un documentaire qui revient souvent. T'as sûrement déjà entendu ça. Les nazis, hein, c'était dégueu les tests qu'ils faisaient sur des êtres humains, mais au moins ils ont fait avancer la médecine pour vrai. Hein? Ouais, puis ça a été assez démontré que c'était pas vrai. Hey, c'est pas vrai du tout. J'avais déjà rapidement parlé de. Il y a un livre qui s'appelle Hippocrate aux Enfers, qui est écrit par Michel Sim, qui est un médecin français, puis il réfute cette idée-là. En réalité, les découvertes qui ont été faites en médecine par les nazis, c'est des espèces de non-lieux, de trucs qu'on se doutait déjà. C'est-à-dire que si tu on avait fait des tests sur à quelle hauteur, par exemple, est-ce qu'on peut tirer un cochon puis qu'il survive. Hein? Mmh. Fait qu'on avait déjà des bonnes idées de c'était quoi les hauteurs que pouvait survivre un être humain. Mais on avait fait ces tests-là sur des cochons. Hein? Les nazis l'ont fait avec des êtres humains. Hein? Fait que, ils ont fait une grosse découverte. C'était sensiblement les mêmes choses. Il y a plusieurs médicaments aussi qui ont fait des tests dans ce style-là. C'est-à-dire qu'on savait que dépasser telle dose, les cochons meurent. Donc, on va sensiblement limiter les doses dans ces eaux-là pour les êtres humains. Ils ont simplement donné ces quantités-là aux êtres humains. Puis les êtres humains sont morts. Wow, belle découverte scientifique. T'sais. On le savait déjà. Ils ont juste comme confirmé qu'effectivement, ça tue aussi les êtres humains. Et donc, finalement, il n'y a rien là-dedans qui a été une découverte des nazis. Puis j'aimerais ça revenir aussi sur l'argumentaire de M. Pinker, parce que lui appliquait son argumentaire justement à l'ingénierie génétique. Il dit, tu sais, ça n'a pas d'allure, les éthiens demandent un moratoire sur l'ingénierie génétique, on peut guérir des maladies que présentement on ne peut rien faire avec. Puis Mais ça, en fait, c'est tout le temps l'erreur de ces smats-là là, qui critiquent à tout vent. Puis que c'est parce qu'en même temps, c'est le sujet de ton mémoire, là, en quelque part. Là, mm-hmm. C'est où que tu mets la limite de c'est une maladie. Il y a des cas évidents, mais il y a des cas qui le sont moins, tu sais. Avoir un gène qui te rend plus propice à la myopie, est-ce que c'est une maladie ou... Tu sais, c'est pas juste ça, en plus. C'est que, premièrement, là, la base de son argumentaire, c'est-à-dire les éthiciens demandent un moratoire sur l'ingénierie génétique, c'est faux. Les demandes de moratoire qu'il y a eu sur l'ingénierie génétique, ça venait de qui? Ça venait des scientifiques qui travaillent avec l'ingénierie génétique, qui ont eux-mêmes organisé un sommet entre scientifiques, là, pas avec des éthiciens, là, entre scientifiques à Washington pour demander « Hey, les trucs que nos patrons nous demandent de faire, on n'est pas à l'aise de ça, puis on aimerait ça qu'il y ait des lois qui empêchent nos patrons de nous demander de les faire, parce que nous, si on le refuse, ils font juste nous mettre dehors. » D'ailleurs, parmi ces noms-là, il y a Jennifer Doudna, qui est celle qui a inventé le protocole CRISPR, qui est bon, l'outil qu'on sert pour faire l'ingénierie génétique. Elle est une de ceux qui demandent un moratoire sur l'utilisation de ça sur les êtres humains. Et donc, je veux dire, bon, finalement, les éthiciens n'ont rien à voir. C'est, en fait, les gens qui s'en servent de cette affaire-là qui voient... Les éthiciens, c'est des barbus de gauche, là. Hein? Ils sont contre le progrès. Ouais. Un autre de ces argumentaires, c'est que, bon, les éthiciens, eux autres, ils essayent de ralentir le progrès en se basant sur des prédictions à long terme. Or, c'est impossible de faire des prédictions à long terme parce que, hein, la preuve, on pensait que hein, les Padgetts, ça allait fonctionner. Oui, c'est vraiment son argumentaire. Je m'excuse. Je suis pas en train de le caricaturer. Ouais, puis tu sais, les jeux vidéo, ça rend le monde abruti parce que t'as l'air fou quand tu joues à Wii puis que le monde ne savent pas que t'es en train de jouer à Wii. Ouais. Mais tu sais, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, hein, faire des prévisions éthiques sur le long terme, la seule affaire que ça donne, c'est que ça donne des scénarios intéressants pour faire des dystopies de science-fiction. Une affaire qu'il oublie, c'est que ben, justement, on parle d'ingénierie génétique. Là. L'ingénierie génétique... c'est des changements qu'on peut faire dans les gènes humains, dans l'ADN humain, qui seraient héréditaires. Et l'affaire, c'est que les gènes, là, on ne sait pas encore c'est quoi tout ce qu'ils font. Donc, on peut savoir que, mettons, tel gène cause telle maladie, mais on ne sait pas c'est quoi exactement les autres affaires que ce gène-là fait. Donc, si on décide de le modifier pour éliminer une maladie, mais que finalement, ça a des répercussions qu'on n'attendait pas dans quelques années, puis bon, hein, ça donne que la personne a eu des enfants entre-temps, bien là, qu'est-ce qu'on fait? On stérilise les enfants pour pas qu'eux autres aussi aient des enfants, pour pas que le gène se propage. Donc, je veux dire, on dit là, on n'a pas le choix de penser à long terme parce qu'on est en train de modifier l'espèce humaine. On peut pas faire ça en criant pogo. Ça, c'est comme c'est un peu comme l'idée des conservateurs eux autres mêmes qui souvent sont... Tu sais, c'est un peu un argument réactionnaire de ce type-là, d'ailleurs, là, de dire oh, « l'éthique, ça ne sert à rien ». Tu sais, c'est souvent ça en même temps, les conservateurs. Mettons, les quelques conservateurs qui ont vraiment une théorie politique pour les supporter, c'est qu'en fait, le vrai conservatisme politique, c'est de dire que faut arrêter d'essayer de faire des révolutions, il faut arrêter de faire des grandes réformes, il faut faire des changements, j'ai pas le terme en français, mais « incremental » en anglais qu'on dit, c'est-à-dire des changements... Des petits changements, on fait un petit changement, on regarde ce que ça donne. OK, parfait, c'est correct, on règle les problèmes avec ce changement-là, on en fait un autre petit, puis on fonctionne comme ça. Fait que du petit changement perpétuel, constamment, on a une petite amélioration constante au lieu de tout le temps. L'affaire, c'est que les théories génétiques, c'est un peu ce que tu dis, c'est que comme c'est un peu jouer avec l'évolution. L'évolution, c'est un processus qui s'est basé sur, qui s'est fait sur des millions d'années. Là, on changerait des choses qui prennent des millions d'années à changer, ou en tout cas au moins plusieurs centaines de milliers, on les changerait en une génération. Fait que c'est ça qui est dangereux, c'est que, mettons, c'est plus facile de faire des gaffes graves. Puis des gaffes qu'on pourrait pas réparer, à moins de fusiller les gens et leurs enfants. C'est ça. Donc c'est peut-être une bonne raison hein, d'utiliser un peu de prudence dans ces affaires-là. Puis en fait, c'est ça que tout le monde dans ces affaires-là disent présentement, y compris les chercheurs, comme tu disais. C'est pas de dire faut arrêter de faire de la recherche, faut avoir peur de ça. Non, c'est juste d'être prudent quand on en fait. C'est pas de dire faut arrêter de prendre nos voitures parce qu'il y a des accidents. Non, c'est conduisez prudemment. Pas conduisez, puis pendant tout, c'est dangereux. Conduisez prudemment, mais même chose. Faites la recherche prudemment. Puis on est dans un cas, là, présentement, où la technique, nos capacités à faire des choses, est plus avancée que la science, notre connaissance des choses. On peut faire des choses qu'on ne comprend pas encore. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Mais bon, ta semaine, toi? Moi, rapidement, j'ai appris deux choses. Premièrement, il y a des décisions qui sont clairement uniquement basées sur le profit qui ne sont pas toujours payantes, en tout cas pendant 15 minutes. Je parle de l'outrage des gens à cause du congédiement des employés déficients intellectuels chez les Walmart. Ouais. Puis je dis pendant 15 minutes parce que là, bon, là, présentement, on a un outrage, les gens payent au boycott. Walmart ont finalement décidé de réintégrer ces employés-là suite à la grogne populaire. Mais en même temps, combien de temps tu veux arrêter d'aller chez Walmart quand tu vas déjà chez Walmart? Quand tu as la possibilité de boycotter Walmart, on s'entend-tu que soit tu y vas pas déjà ou soit t'as comme pas le choix d'y aller parce qu'il n'y a plus d'autres commerces. Fait qu'aux dernières nouvelles, les héritiers Walton, la compagnie qui possède Walmart, séchaient leurs larmes pour les pauvres handicapés avec des billets de 1 000$. J'ai aussi appris que la rigueur et la cohérence avec les instances donnent parfois des drôles de résultats. Je fais allusion, ben, t'as parlé de QS un peu tantôt, mais je parle au fait que QS est d'accord avec le PQ et la CAQ pour empêcher le port du hijab et du turban au SPVM. C'est drôle, ça. Parce qu'en fait, c'est que l'idée, c'est que QS, bon, eux autres, ils n'ont pas le choix, en fait, de défendre, de dire ça, parce que c'est une des situations où ce que la loi 62 sur les signes religieux ostensatoires qui ont été déposés l'année dernière par les libéraux rentre un peu en conflit avec les conclusions du rapport Bouchard-Taylor. En fait, elle est plus libérale que le rapport Bouchard-Taylor. Une chose à rappeler, puis là, ben, c'est que la position d'instance de QS, c'est-à-dire qui a été pris en assemblée, c'est d'être, en gros, que les accommodements raisonnables, on applique les conclusions du rapport Bouchard-Taylor. L'affaire, c'est que Bouchard et Taylor sont revenus sur cette conclusion-là en particulier, de dire que ouais, les employés avec un pouvoir coercitif de l'État ne devraient avoir aucun signe d'appartenance religieuse ou idéologique. Même Bouchard et Taylor ont dit, ouais, dans le fond, c'était un peu de la merde. Quand on a dit ça, on n'était pas... Les deux, finalement, on regrette d'avoir écrit ça dedans. Ouais, en fait, les deux, Gérard Bouchard, ce qu'il a dit, c'est en fait, je suis, disons, philosophiquement pas d'accord avec ça. Par contre, si on veut s'acheter une paix sociale, c'est le genre de clause qu'on doit garder juste pour pas que le monde capote puis que ça stigmatise encore plus les minorités. Mmh. Ouais, effectivement, mais quand même, c'est juste drôle de voir QS être d'accord avec le PQ et la CAQ sur une question de laïcité, on pourrait dire, là, même si... En tout cas, ouais. Mais bon, on reparlera pas de ça. Ben, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que, tu sais, avec Valérie Plante, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y avait eu aucune demande en plus. Là. C'était vraiment comme « Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de signes ostentatoires puis qu'on n'a pas eu d'occasion de faire ça sur les minorités. Hein. On va vraiment genre relancer ce débat-là. » Hey, Pâques s'en vient, il faut donner du monde, de la matière au mononcle fatigant à chialer. Bon, ouais. Bref, là-dessus, on va aller en chanson avec Octoplot et Le Calme Pivote. Alors, c'était Octoplot avec Le Calme Pivote. Je sais toujours pas comment ça se prononce, mais en tout cas. Fait que c'est maintenant l'heure de la chronique fiscale! C'est probablement la seule chose le fun avec la fiscalité. Cette chanson-là est ta chronique. La cowbell. La cowbell fait la job. La cowbell fait tout. Marco Bell! Throwback SNL. Tu voulais nous parler aujourd'hui, en fait, encore de la taxe robot. T'en as pas eu assez d'en parler à Radio-Canada tout à l'heure. Plug. Je sais, tout le monde veut entendre parler de la taxe robot. Hein. Hein, si seulement les robots pouvaient payer les taxes à notre place, hein, ça réglerait beaucoup de problèmes de société. Je voulais en reparler, effectivement, parce que il y avait un sujet que j'avais pas abordé la dernière fois, j'en avais parlé, puis que, bon, je pense qu'on pourrait aborder ça ici. C'est quoi les deux? Ben, en gros, pour ceux qui nous ont pas déjà écouté, c'est quoi la taxe robot? C'est l'idée que quand une entreprise te fait perdre ta job pour te remplacer par un robot, l'exemple pourrait être les caisses libre-service dans un grande surface, genre un Walmart, chose de même. Parce que c'est ça, un des gros problèmes, en fait, c'est de définir c'est quoi un robot exactement. Puis en fait, c'est un peu la conclusion de ta dernière chronique, c'est-à-dire on le définit plutôt par l'effet qu'il y a en termes de perte d'emploi et d'automatisation plutôt que faut que ça soit un genre de R2-D2. Là. Exact. Exact. Puis sinon, hein, ça, on ouvrirait la porte à venir taxer le grille-pain hein, parce que ça enlève de la job au boulanger ou quelque chose de même. Bon, c'est pas ça qu'on veut. Hein? C'est pas ça l'idée. Il y a un clash idéologique hein, entre deux types de personnes qui veulent imposer la taxe robot. Hein. D'un côté, il y a justement, on en a parlé, c'est Benoît Hamon qui était candidat socialiste à la présidentielle. L'idée derrière ça, disons, pour... Disons, une approche socialiste, disons, là, de la taxe robot, c'est de se dire que on va mettre ça en place pour avoir de l'argent pour, bon, hein, on va pas renverser le capitalisme, là, on va juste mettre une taxe sur le capitalisme, sur l'automatisation, etc. Puis avec cet argent-là, on va pouvoir redistribuer, offrir des services, etc. Puis en même temps, on met ça en place avec d'autres mesures, donc une diminution progressive du temps de travail. Donc en France, ils ont déjà le 35 heures. Lui, il parlait de refaire descendre ça à, je crois, 32 heures. Puis bon, éventuellement diminuer de plus en plus. Puis créer une espèce de réelle société des loisirs, là, un peu ce que les gens des années 60 pensaient que la vie serait des années 2000. Oui, effectivement. Donc, en réalité, c'est quoi le fondement de cette approche-là? C'est de dire ce qui est important, là, c'est le bien-être des gens. Donc, peu importe là, que les gens travaillent, travaillent pas, est-ce qu'ils sont bien? Hein? Bon, habituellement, ça vient aussi justement avec l'idée du revenu minimum citoyen. Donc, hein, l'État t'offre des bons services. En plus, tu as un peu d'argent. Tu travailles pas beaucoup. Ta job te donne un peu d'argent. En plus, le gouvernement t'en donne. Donc, tu peux dépenser, avoir ta propre conception de la vie bonne, etc. etc. Et surtout, tu es libéré pour mener à bien des projets qui t'intéressent réellement, en fait. C'est ça l'idée. Pas juste travailler pour gagner ta pitance, mais travailler pour dans quelque chose qui t'intéresse. Ouais, exactement. Puis bon, à l'opposé de ça, l'autre approche, c'est celle bon, de Bill Gates. Bon, c'est une approche que, habituellement, ce qu'on dit là, dans le milieu, hein, c'est que c'est une approche qui a un biais productiviste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, le but de la taxe robot, c'est pas tant le bien-être des gens, c'est le fait que ce qui est important, c'est que tout le monde ait accès à un emploi. C'est-à-dire que ce que Bill Gates, lui, voulait faire, c'est une taxe robot. L'argent qui est prélevé par la taxe robot est réinvesti en éducation pour donner des formations aux travailleurs non qualifiés pour qu'ils puissent manœuvrer les robots, utiliser les robots, etc. Fait que dans le fond, tout le monde a des robots, tout le monde peut faire sa petite entreprise, employer des robots, etc., etc. Donc, c'est important, il faut que les gens travaillent. Puis bon. Puis en même temps, ça sert de taxe pigouvienne parce que ça ralentit l'implantation des robots en même temps par une espèce d'anti-incitatif financier. Ce qui fait que ben, ça laisse plus de temps au marché du travail à s'adapter. Puis, Exactement. Voilà. Bon, ce qui est intéressant avec ça, c'est que bon, c'est un débat qui date là, en philo. Là. C'est la question de la conception de la vie bonne. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de biais dans... Puis ça, c'est des gens de gauche, d'ailleurs, là, qui vont... l'approche de Benoît Hamon, il y a des gens de gauche qui vont avoir ça. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Ce qui est important, c'est que les gens les plus vulnérables, les gens les plus pauvres, aient accès au marché du travail pour gagner de l'argent, être autonome, etc. Une espèce de vision du travail. Donc, le travail rend autonome. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas autonome. Tu n'es pas une personne indépendante. Tu vis au crochet de la société, bon, etc., etc. Puis bon, c'est un débat qui revient souvent. La manière que c'est formulé souvent, c'est « doit-on payer le surfeur d'Hawaï? » Je ne sais pas si t'es tombé un peu dans cette littérature-là. En fait, l'idée de base, c'était qu'il y avait une espèce d'implantation à Hawaï dans les années, je crois, 90, dans ce coin-là, qui offrait à quiconque allait, parce qu'il y avait une certaine dévitalisation, une baisse démographique à Hawaï. Donc, c'était quiconque vient vivre à Hawaï a le droit à, pendant une année ou deux ans, je ne me souviens plus, à un chèque. À tous les temps de jour. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une foule de surfeurs de la côte ouest américaine qui sont déménagés à Hawaï pour, pendant un an, pouvoir faire du surf. Gratis. Même payé, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est que, en fait, c'est un exemple extrême. C'est que le danger de ces exemples-là, c'est que ça induit que, ouais, si du jour au lendemain, on a un revenu minimum garanti, bien, puis tout le monde va se pogner le beigne, puis tout le monde va juste, quand on dit loisir, là, le monde va seulement être oisif et non... Et non s'adonner à des loisirs. Parce que, une chose, puis ce qu'a démontré quand même, bon, j'aime pas ça dire démontrer en fait, là, hein, en tant que philosophe, on n'est pas fort là-dessus, mais il y a quand même eu pas mal de recherches qui ont été faites sur les endroits où on a essayé le revenu minimum garanti. Puis généralement, en fait, ça encourage même, ça augmente la productivité jusqu'à un certain point parce que les gens se basent plus seulement sur le salaire pour choisir leur activité principale, ils se basent sur leur intérêt pour ça. Mm-hmm. Un mauvais vendeur dans un magasin grande surface peut être un excellent artiste, un excellent qu'est-ce qui est pas qu'est-ce payant dans la vie, mais que c'est ça. Donc, puis que finalement, il rend quand même un service à la société, des fois de manière un peu indirecte, mais quand même. Oui, puis le fait qu'il puisse s'accomplir dans ses loisirs en dehors du moins d'heures qu'il va travailler, ben ça va le faire mieux travailler les heures qu'il travaille. Puis c'est pas juste ça, ce qui a été noté aussi dans les tests qu'il y a eu. D'ailleurs, il y en a eu un au Canada, là, un test sur un revenu minimum citoyen dans les années 80. D'ailleurs, on n'a toujours pas les conclusions de ce test-là parce qu'ils ont coupé les fonds à l'étude après que l'étude a été faite, pendant que les chercheurs étaient en train de regarder les données puis de tirer des conclusions. Ils se sont fait couper. Puis une autre des conclusions, c'est qu'en fait, quand tu diminues le temps de travail des gens, les gens font beaucoup plus de bénévolat, vont beaucoup plus être portés d'aller s'impliquer dans les organismes communautaires, des choses comme ça, à être prochain aidant, des choses comme ça. Donc, finalement, c'est pas juste de... Loisir n'égale pas oisivité. Hein? Ça sonne un peu pareil, mais c'est pas la même chose. Non, c'est vraiment pas la même chose. Puis, ce qui est intéressant, c'est de noter que, bon, ces deux approches-là, disons, est-ce que la valeur fondamentale, c'est le travail, ou est-ce que la valeur fondamentale, c'est le bien-être? C'est que, dans le cas de la taxe robot, ils sont mutuellement exclusives. C'est-à-dire, tu peux pas, d'un côté, dire que tu mets la taxe robot pour que tout le monde ait accès, favoriser l'accès au travail, puis d'un côté, dire, en même temps, ça va permettre de construire une société des loisirs. C'est-à-dire que l'ensemble des politiques à l'intérieur de laquelle tu insérerais une taxe robot, ça changerait complètement l'approche que ça aurait puis l'impact que ça aurait. Fait que, en gros, c'est un débat de les gens de gauche versus les gens de gauche à ce stade-là. Effectivement. Parce que les gens de droite vont généralement être travaillistes, puis le bien-être, ben souvent, la distinction entre des gens de gauche et des gens de droite, c'est pas la première fois qu'on le dit à l'émission, mais ça mérite d'être redit, c'est que ben, c'est la notion de justice. Souvent, les gens de droite, leur notion de justice va être en fait la justice mérite. C'est-à-dire, tu travailles, puis la justice, c'est juste que tu es rémunéré en fonction de ton travail, en fonction de tu mérites-tu ce que tu reçois. Puis là, ben évidemment, là, il y a toute une critique de cette idée-là, mais ça reste que à la base, c'est un fondement, un présupposé idéologique là, qui est quand même le défendable. Oui. Ils ont l'avantage d'être cohérents, au moins, sur cette question-là, contrairement justement à la gauche qui peut se diviser entre... Qui part de tous les bords. Hein. Effectivement. Donc, je pense qu'en fait, on est dû pour une pause. On vous revient. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission hétéro-gauchiste sur les ondes de CIFU 89.1. Avant la pause, on a fait une mise à jour sur la taxe robot, puis on a parlé là, de nos semaines en général, évidemment. C'est maintenant l'heure de relâcher les geeks en nous et de parler de jeux vidéo. Oui, je voulais vous parler de Witcher. En fait, ça fait un bout que je voulais vous parler de Witcher, mais je voulais attendre d'avoir plus avancé et dans les jeux vidéo et dans les livres pour vous en parler. En gros, c'est quoi Witcher? En français, c'est sorceleur. Hein? Faut le dire. Ben, franchement, hein, c'est pas comme si c'était plus pur en anglais. Hein? C'est polonais à la base, cette affaire-là. Ouais. Bon. Mais ça sonne mieux Witcher que le sorceleur, tant qu'à moi. Là. Oh, t'es difficile. C'est quoi Witcher? C'est un univers de dark fantasy qui est basé sur des romans et des jeux vidéo. Puis c'est important de préciser les deux parce qu'en fait, les jeux vidéo, c'est pas l'histoire des romans. En fait, les jeux vidéo se passe après les romans, en gros. Donc, c'est un univers qui est sur les deux médiums en même temps puis qui est développé par les deux médiums. Puis, honnêtement, c'est très fidèle d'un à l'autre. Puis, une raison pourquoi on veut en parler, c'est que Netflix a racheté les droits pour tourner une série là-dessus. Donc, ils vont faire une série de dark fantasy. Ça devrait être leur Game of Thrones à eux, là, essayer On espère que ça va être bon. Je suis la réalisatrice. Elle a fait plein de câbles sur les médias sociaux qui sont elle fun à suivre. Là. Elle a écrit récemment, là, par exemple, un peu le résumé du caractère de tous les personnages. Puis bon, il y a eu justement Mark Hamill, hein, notre Luke Skywalker national, qui a fait « Hey, tel rôle, ça m'intéresserait, on dirait que c'est moi, hein, c'est mon genre de rôle. » Puis là, tu sais, on sait pas ce que ça va donner, mais ça va être intéressant à suivre. Puis en même temps, elle connaît beaucoup l'univers, là, elle est en train d'écrire une encyclopédie sur l'univers de Witcher, là, tu sais, pour elle-même, pour pouvoir faire les scénarios. Bon, en gros, c'est quoi cet univers-là? Ça se déroule dans un monde qui s'appelle Le Continent, hein? Pourquoi pas? Tant que c'est pas l'incontinent. Ah ah ah! Boudouboum! Ok, excusez. Ça ressemble pas mal à l'Europe. Hein? À cause des jeux vidéo, ils n'ont pas eu le choix de faire une carte. Puis finalement, on réalise que ça ressemble pas mal à l'Europe. Puis bon, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que voilà, 1500 ans avant les événements de Witcher, il y a eu un événement cataclysmique, hein, qui s'appelle Conjonction des sphères. Parce qu'ils fonctionnent encore dans un système ptoléméen, évidemment. Puis l'effet pour les deux personnes qui nous écoutent, Je sais pas plus c'est quoi. Continue. Bon, en fait, c'est ça. Ça a fait juste un mélange. Les sphères sont rentrées ensemble, puis il y a eu plein d'univers parallèles qui sont parlés, qui sont touchés, là. Puis, c'est l'explication des créatures surnaturelles, de la magie, puis ainsi de suite. Ben, pas juste. L'affaire, c'est qu'avant, l'univers de Witcher, c'était l'univers des elfes, hein? Puis c'est, en fait, il y a 1500 ans, c'est là que les démons, les monstres et les humains sont arrivés. Ils viennent donc d'un autre univers. Puis bon, c'est qu'en 1500 ans, ils ont fini par repousser de plus en plus les elfes et apprendre, bon, le continent. Puis à s'établir vraiment partout. Donc, c'est là où on arrive au moment dans Witcher où les humains viennent de finir de s'établir un peu partout sur le continent. Puis, ben, ils font comme qu'est-ce qu'on fait maintenant. T'sais, ils ont repoussé à l'ouest, hein, dans les montagnes d'Europe de l'Est, les elfes qui, eux autres, ils sont comme « Hey, nos terres ancestrales, est-ce qu'on pourrait avoir ça? » On voit déjà un peu certains liens. Hein. Les elfes sont présentés comme une espèce qui était culturellement très forte en magie, technologiquement aussi. Par contre, bon, ils ont été complètement incapables de s'adapter à la nouvelle réalité. Ouais. Oui, ça fait un peu Tolkien quand on y pense. Bon, c'est ça, il y a eu c'est comme s'il y avait eu une espèce de ruée vers l'ouest, puis que les elfes étaient des autochtones, sauf que là, c'est une ruée vers l'est, vers le nord-est, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, un coup que les humains s'installent partout, ils ont désinfesté les endroits, les créatures démoniaques, les dragons, etc. Puis bon, si on veut se rebaser un peu, ça se passe où? Ça ressemble un peu, ils ont l'air d'être quelque part comme entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Hein? Il y a encore des centurions avec des glaives, mais il y a aussi des chevaliers très pieux. Il y a des vikings. Il y a même le comté de Toussaint qui est une espèce de caricature de la France qui est vraiment hilarante. vous y lancerez. L'affaire, c'est que ça, toutes les créatures qui étaient, bon, les créatures magiques, fantastiques, ont plus d'endroit où habiter. Puis bon, un sorceleur, un witcher, le personnage principal s'appelle Geralt. C'est quoi leur job? Ben, eux autres, c'est des gens qui sont pris bébés. Puis qui ils se font faire magiquement de l'ingénierie génétique. Là. C'est des mutants, carrément. Puis leur job à eux, c'est de se promener un peu partout, de village, en ville, puis à dire « Hey, y a-t-il des créatures qui vous dérangent contre de l'argent? Je suis prêt à vous en débarrasser. » Bon, etc. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on se ramasse dans l'univers de Witcher, dans un monde où il y a une redéfinition complète des valeurs morales. Hein? Avant, c'était clair, le mal, c'est quoi? Ben, c'est un démon. Hein? On ne s'obstinera pas là-dessus, un démon, c'est mauvais. Fait que c'est pas grave, on se promène dans la forêt, on va à l'entour des villages, on voit les démons, on les trucide, ça va très bien comme ça. En fait, le désordre, hein, ce qui empêche les humains de prendre de l'expansion, c'est ça qui est mal. Puis, bon, ce qui est bien, c'est l'ordre. Hein. Les humains, quand ils s'installent à un endroit, ils font une ville, puis là, ils ordonnent les choses, puis finalement, ils peuvent faire de l'agriculture, puis nourrir tout le monde, c'est donc bien beau. Par contre, là, ben, l'expansion est finie. Là, les villes sont établies. Puis, ben, ce qu'ils réalisent, les Witcher, c'est que mais finalement, c'est compliqué. Avant, c'était simple. On se promenait, puis le mal, on le voyait, on peut le pointer du doigt. C'est quoi le mal, là? Mais on s'en marche dans un monde où on ne peut plus faire ça, en fait. Ce qui est mêlant, c'est que le mal, maintenant, respecte les traités diplomatiques, alors que le bien peut ne pas les respecter, peut défier l'ordre établi. Ça ressemble à d'autres choses qu'on connaît. Hein? Ça ressemble, hein? Ça sonne comme quelque chose. Hein? Autrement dit, bon, les sorceleurs représentent le bien qui s'attaque aux monstres. Bon, c'était facile. Puis, ben, maintenant, le problème, c'est que les vrais monstres se justifient à l'aide d'idéaux, à l'aide de leur foi, à l'aide des lois, des traités diplomatiques, etc. Donc, Geralt est lui-même un héros qui est très apolitique. J'ai vu d'ailleurs beaucoup de commentateurs qui disaient que c'est un peu l'archétype du héros néolibéral. Ça l'a été écrit dans les années 90, là, les premiers Witcher. Je vois un peu ce qu'ils veulent dire. J'adore quand même le personnage. Lui, il refuse obstinément de se mêler de politique parce qu'il veut traquer le mal simple, c'est justement qu'on, je disais tout à l'heure, qu'on peut pointer du doigt, alors que, il y a une espèce de rejet chez les Witcher du moindre mal. Hein? Il préfère, quand il y a deux choix, un choix qui est, disons, très evil, très mauvais, puis un qui est moins pire, leur philosophie, c'est ben, aussi bien reprendre la route puis s'en aller qu'au lieu de choisir quelque chose qui va faire du mal. Puis il y a une espèce de rejet de la société puis du système de cette façon-là. Parce que, bon, finalement, c'est quoi maintenant que les créatures dégueulasses sont parties? Ben, c'est quoi le mal? Ben, le mal, il prend justement des autorités morales, religieuses ou politiques. C'est eux autres qui deviennent un peu les porte-étendards du mal. Puis c'est beaucoup plus compliqué être un preux chevalier quand finalement c'est les autorités qui représentent. Quand c'est les gens qui t'ont déclaré preux chevalier qui font le plus de problèmes. Là. Puis ben, plus de mal. Ce qui est intéressant, c'est que cette espèce de refus de la vie en société, parce qu'on ne veut pas accepter le moindre mal, on ne veut pas du tout faire le mal, c'est que ça donne une espèce de position éthique qui justifie la misanthropie. Hein? On doit être sur la route puis détester les êtres humains parce que finalement, quand on les fréquente, ben, on est forcé de faire des choix, puis nos choix ont des conséquences, puis on n'accepte pas que nos conséquences peuvent être mauvaises. C'est extrêmement intéressant. Il y a des dilemmes moraux pour les gens qui aiment les jeux vidéo là, avec des dilemmes moraux que tu prends 10 minutes là, avant de cliquer parce que tu sais pas quoi faire. Jouer à Witcher, c'est incroyable. C'est Mass Effect que vous a laissé sur votre faim. Ouais. Une autre chose qui est intéressante que je voulais aborder, c'est les Witcher, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des mutants. Ils sont génétiquement modifiés par la magie dans leur enfance pour être bon, plus puissants, pour pouvoir consommer des élixirs qui leur donnent des pas pires pouvoirs. Hein. C'est ça que ça fait quand que les éthiciens se mêlent de leurs affaires. Ouais, effectivement. Ce qui est drôle, c'est que, disons, dans le développement des personnages, c'est que les Witchers, justement, ils se font enlever enfin, ils se font éduquer par d'autres Witchers, puis bon, ils ont les mutations. Puis ils se font convaincre que les mutations leur enlèvent toute forme d'émotion, qu'ils deviennent froids, donc rationnels, amoraux. Bref, ils se font rentrer en tête qu'ils sont des psychopathes. Puis même, ils poussent ça jusqu'à un point où... Quand eux-mêmes, ils se disent « ben là, je ressens une émotion », ben ce qu'ils se font dire finalement, c'est « ben en fait, c'est somatif hein? ». T'avais ton cerveau avant que tu sois mutant, là, il y avait des émotions là-dedans, puis de temps en temps, t'as une espèce de, tu sais, tu sais qu'il y a des gens qui se font amputer, là, qui ont un réflexe de se gratter sur un manque de douleur fantôme. Ben c'est ça, ils ont des émotions fantômes. Hein? Ils n'ont pas vraiment des émotions, mais quand ils en ont, c'est juste fantôme, puis hein, ça va passer, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas, t'es un psychopathe, ça va bien. C'est quoi la différence entre ça et une vraie émotion? c'est, je veux dire, ils ont ressenti une émotion, là. C'est... Mais c'est, ouais, mais c'est pas une vraie. Ouais, mais pourquoi c'est pas une vraie? Ben, parce qu'on a décidé que c'était pas une vraie. En tout cas, c'est j'ai pas joué à la série en passant. Ça fait du développement de personnages qui est extrêmement intéressant, là, justement. Là. Des relations amoureuses. On peut s'imaginer comment ça peut être compliqué dans une relation amoureuse. Non, j'ai pas d'émotion. Non, t'en as. Non, j'ai pas d'émotion. Non, t'en as. J'ai vraiment l'impression que sommativement parlant, je t'aime. Hein? C'est ça. Mais ce que je trouve drôle, c'est que ça peut être un peu une espèce d'analogie sur le système économique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on attend des Witcher? On s'attend que ce soit des psychopathes amoraux qu'on peut lancer, puis qui vont se lancer, puis tuer les monstres, les méchants, puis que... pas grave, les Witcher, ils n'ont pas de considération morale. Puis bon, c'est un peu hein, l'image qu'on a eue justement avec le néolibéralisme. L'économie, c'est quoi? C'est froid, rationnel. L'économie, c'est amoral. C'est amoral, alors que ben justement, peut-être un peu la même chose qui est arrivée avec le néolibéralisme, c'est quoi le nouveau paradigme économique qu'on est en train d'embarquer présentement? Ben c'est le comportement, l'économie comportementale, parce que on réalise, puis même l'école de Chicago est en train de dire, ben finalement, l'économie, c'est quelque chose de moral, puis les êtres humains sont moraux, puis ils sont pas vraiment tellement rationnels, finalement, contrairement à tous les modèles qu'on avait mis. Puis c'est un peu ce qui arrive avec les Witcher, c'est qu'ils finissent par réaliser que, ben finalement, mes décisions ont des impacts, puis même si je veux froidement calculer qu'est-ce qui ne fera pas le mal, ben ça va en faire, puis finalement, moi-même, j'ai des intérêts là-dedans, puis j'aime des gens, puis... ça donne plein d'affaires. Ben, il y a une ville dans le jeu qui s'appelle Novigrad. C'est un peu comme cité-état libre. C'est un peu la Amsterdam, d'après moi, là, s'il y a un équivalent. Puis bon, à l'intérieur de la ville, il y a des doppelgangers, des dopplers, des gens qui sont capables de prendre la forme des autres. Puis il n'y a aucun moyen, ni magique, ni scientifique, de savoir qui est-ce qui est un doppelganger. Fait que quand il en trouve, ben, il tue. L'affaire, c'est que les doppelgangers disent « Mais la ville a été construite sur nos terres. » Genre, c'est un village de... Ils appellent les mimes en français. Là. C'est un village de mimes avant ici. On veut juste comme continuer à exister puis à vivre. Bon, le problème, c'est que, bon, c'est une ville marchande. Hein? Fait que si tu peux prendre l'identité de n'importe qui puis d'aller à la banque puis faire n'importe quoi, c'est extrêmement dangereux. Donc là, finalement, les Witchers vont engager, buter les mimes, ils foutent le bordel dans la société. Mais finalement, c'est plus compliqué que ça parce que eux autres, ils veulent le vivre sur leur propre territoire. Parce qu'il y en a peut-être 3 à 4 qui s'en servent pour faire de la fraude, mais il y en a peut-être aussi qui ne servent pas vraiment de leur pouvoir, sauf pour des... Mm-hmm. C'est intéressant, en tout cas. Oui, bien, il y a des choses comme ça aussi. Les dragons, c'est une espèce en voie de disparition. Donc, quand quelqu'un va voir un Witcher puis lui offre « Hey, pourrais-tu aller buter mon dragon? Il est en train de bouffer tous mes moutons, puis une fois de temps en temps, il vole des paysans aussi. » Ouais, mais en même temps, est-ce que je vais causer le génocide des dragons à cause de ça? Est-ce que je suis prêt à prendre cette décision morale-là, hein, de dire il n'y aura plus de dragons dans le futur? Parce que là, en plus, ils vivent déjà avec le traumatisme. Là, ça fait à peu près 200 ans qu'il n'y a plus de licorne. Ça, c'est dur sur le moral, là, hein? C'est de leur faute à eux autres, là. Mm. Fait en gros, c'est ça, l'univers de Witcher. Puis à quel point, dans un univers de dark fantasy, ils sont capables de, justement, de nous emmener les dilemmes moraux que, ben, on a l'impression de vivre pas mal exactement ce genre de... C'est un peu, en fait, comme dans la littérature dystopique jusqu'à un certain point. Là, ils créent un univers non réel, mais qui permet d'articuler des éléments du réel qui... Hey, parlant d'articuler des éléments du réel, moi, je vais articuler un top 3,5 à la demande générale. Les choses à savoir sur le G7... Qu'est-ce que le G7? On va en entendre parler. C'est la rencontre annuelle, en fait, du groupe des 8-1 qui va avoir lieu en juin dans Charlevoix. Fait que voici ce qu'il faut savoir. Numéro 3, le G8 est diminué d'un depuis 2014. C'est pour ça que je disais le groupe des 8-1 parce que, en fait, le groupe des cool kids, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, la Russie, le Royaume-Uni, l'Italie et le Canada, a décidé qu'il ne voulait plus jouer avec la Russie. Il faut dire que la Russie, à ce moment-là, venait d'annexer une partie de l'Ukraine dans une guerre illégale. Fait que là, on peut se dire que ben, la Russie s'était faite leurs propres petits amis eux autres-mêmes, même si peut-être qu'ils les gardaient plus en otage qu'autre chose, puis qu'ils ont clairement chopé à d'autres groupes d'amis. Mais bref, c'est cela. Donc, mais il paraît que Poutine va quand même être là à ce G7-là. Il va juste être dans un restaurant. Merci. Parce que c'est dans Charlevoix, c'est au Québec. Pourquoi ça devrait nous intéresser, cette histoire-là? Hein? Des gros pays qui s'assoient ensemble et qui ne mangent pas de poutine. En tout cas, qui n'a pas de poutine dans la pièce. En tout cas, ça permet d'écrire des très bonnes théories du complot. Exactement. Ça, c'est aussi, en fait, c'est parce que, puis plus sérieusement, c'est là que nos dirigeants montrent leur vraie face. Hein? C'est plus des sourires crasses dans des soupers spaghettes, mais c'est vraiment les dirigeants des pays les plus riches au monde qui chillent entre eux autres. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez tout de suite, quand ils sont en gens de pouvoir, que les masques tombent un peu. C'est sûr que devant une caméra, ils essaient de faire des beaux grands smiles puis tout, mais si vraiment on regarde attentivement ce qui se passe, on voit que soudainement, dans le temps, nos anciens premiers ministres, là, le toujours prêt à mettre un chapeau de cowboy, Stephen Harper, soudainement prenait des airs de leader totalitaire d'une junte militariste religieuse envoyée par là, puis c'était tout le temps ça. C'est là que tu vois vraiment comment est-ce qu'ils sont quand ils sont dans leur élément, c'est-à-dire avec les autres gens qui sont comme eux autres. Puis ça devient, c'est intéressant en termes d'exercice sociologique, je dirais. Ça, c'est une raison pourquoi ça devrait nous intéresser. Puis là, le numéro un, c'est que même si ça a vu le jour, en fait, dans les années 70, en réaction à la crise du pétrole, parce qu'en fait, c'était ça à l'origine, pour donner un peu l'historique de la chose, c'est que c'était les grosses puissances économiques qui s'étaient assis ensemble parce qu'ils voyaient arriver la première crise du pétrole depuis l'ère du pétrole, en fait. Puis là, ils se disaient, là, faut qu'on gère ça, là, ça marchera pas. Tu vois, dans le temps, être proactif, c'était encore bien vu. Mais à cette heure, en fait, ils ne parlent pas juste de ça, ils parlent de l'avenir économique de l'Occident pas mal au complet, parce que c'est, comme je dis, c'est les poids lourds économiques mondiaux. Donc, c'est, ben, comme vous voyez, c'est des pays occidentaux, à part la Russie et le Japon. Puis là, ben, y a, à cette heure, d'ailleurs, parenthèse, il y a maintenant le G8+5, c'est-à-dire que là, la Chine, l'Afrique du Sud, puis... quelques autres pays là, que j'ai pas noté, là, mais qui sont invités eux autres avec. Ça, c'est les 5 pays émergents, en fait. C'est-à-dire, il y a le Mexique. Brésil. Inde, Brésil, Mexique aussi qui sont dedans. Mm-hmm. Ben, ça fait 5. Puis ben, la Russie est comptée là-dedans techniquement. Là. Mais c'est ça. Fait les futures, en fait, puissances économiques mondiales, en fait, techniquement, la Chine est déjà une puissance économique mondiale, mais n'est pas dans le club encore. On pourrait dire que la Chine est un peu le « not cool kid », mais qui a des meilleures notes que les « cool kids ». Puis qui finit par peut-être se faire nommer président de la classe, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Fait que bref, c'est vraiment l'avenir économique de la planète qui est décidé là une fois par année. Bref, c'est un genre de big deal. C'est ça que je voulais dire. Mention spéciale à ceux qui iront y manifester, parce que hein, qui dit G8 et G20 et name it, dit manifestation qui vire en émeute. En émeute et en répression policière abusive. C'est ça. J'aimerais dire à ceux qui iront y manifester, spottez les gens autour de vous ce que les gens autour de vous ont dans les pieds. Parce qu'on recommande, nous à l'émission, hein, on est une émission de service des fois, on recommande d'éviter de s'approcher des gens qui portent des bottes de commando SWAT. Peu importe à quel point ils ont l'air sympathiques. Oui, effectivement. Ça a été dans les cas qui ont été les plus discutés là, de police qui ont infiltré les manifestations pour et qui ont starté le bordel pour ensuite arrêter plein de monde. Fait que là-dessus, c'est déjà tout pour aujourd'hui, en fait. Mais ce n'est pas fini. On va être en rediffusion samedi à 11h et en balado sur notre page Facebook à un moment donné. Restez des notes parce que tout de suite après la pause, c'est Très Blues Assez Fou avec Denis Baudin et compagnie. Et vous pourrez toujours nous revenir jeudi prochain, 18h, pour une toute nouvelle édition de La Sortie de Secours est à votre gauche, l'émission pro-roue, parce qu'il faut leur donner un peu d'amour des fois, sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Bonne semaine!